Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. That boy needs therapy. He was white as a sheet. And he also made a sheet. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Alors, ce matin, avez-vous la Lolvestein? Wesh, gros. Totalement ravi. D'autant plus que ma nuit fut un bal fantastique où j'ai vu débarquer Obama, la reine d'Angleterre et Gordon Brown. Je crois avoir oublié d'inviter quelqu'un, mais franchement, je ne vois pas qui. Enfin bref, dites-nous plutôt, professeur Mauduit, qui est notre patient aujourd'hui ? Eh bien, voyez-vous, professeur Colin, ce matin, le dossier Epsilon numéro 40 s'annonce Moderato Cantabile. Les Moderato du Constabulé ? Foutre Dieu, mais qui donc est-ce ? Ça ne veut rien dire, ce truc. C'est vrai, c'est dur à saisir, mais concentrez-vous bon sang, car voici la première brique. C'est parti, rizière. Rizière, rizière de diamant, diamant sur canapé, Audrey Hepburn. Ok, vous êtes sacrément Casburn. Tant qu'on y est, essayez de me casser aussi la deuxième brique, Indochine. Indochine, Indo-chinois et un ventre thaï, c'est Maggie Chung. Ok, j'ai Maggie Chung qui me démange, alors je gratte un petit peu et je vous envoie la dernière brique, attention, thaï. Ah, ok doc, la auteur de Moderato Cantabile et qui a vu le jour dans les rizières indo-chinoises. Nous nous intéressons évidemment ce matin à l'austère Marguerite Duras. Alors allons-y, professeur Mauduit. Étudions dès à présent ce formidable dossier. Maniez-vous le train, les amants, et apportez au labo le dossier de Mme Duras. Allez, Margot, à table. J'aime pas ma voix, je trouve ma voix juste. Elle n'est pas belle, ma voix. Les gens disent qu'elle est belle, elle est rien du tout. Elle n'est pas fausse. Et la plupart des voix sont fausses. Surtout les voix de comédiens. Serait-ce un symptôme, docteur ? Non, rien de sérieux. Un avertissement, peut-être. Les nuages noirs s'amoncelant sur l'horizon psychique. Marguerite Donadieu, dite Duras. Si certains nuages noirs s'amoncellent sur votre horizon psychique, chère madame, l'embellie pourrait avoir lieu ce week-end à Paname, car demain, au Théâtre du Châtelet à 17h30, le festival littéraire Paris en toutes lettres va tenter de décortiquer la méthode Duras. Néanmoins, et sans plus attendre, débutons notre propre analyse par la première intervention clinique du professeur Mauduit, qui va nous exposer immédiatement ce qui nous turlupine précisément, au cœur de cette structure mentale pour le moins tortueuse. Bien voyez-vous, professeur Colin, rien ne me turlupine, mais ce qui me tarabiscote dans notre dossier ce matin, c'est plutôt la pratique obsessionnelle du contre-pied chez Marguerite Duras. Systématiquement, elle cherche à dérouter son interlocuteur dans l'espoir de déstabiliser son raisonnement premier. Et résultat, d'évidents symptômes d'une fourberie pathologique accrue qui plus est par un esprit d'insolence chronique. Marguerite Duras, est-ce qu'il vous arrive de cultiver l'insolence ? Pour votre plaisir. Pour ma santé, peut-être. Mais dans l'insolence, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de douteux. C'est-à-dire, c'est quand même un dialogue avec l'ennemi. Sinon, alors, vous préférez le mépris, quand les gens n'en valent pas la peine, ou l'ignorance. Oui, mais ça n'a pas été exploré encore assez. La passivité. Le type qui répond pas, qui voit pas, qui entend pas. C'est intéressant, ça est supposé que on peut faire ce rêve, hein, quelquefois. Que Pinochet se réveille un matin dans Santiago et qu'il n'y ait plus personne. Personne. Oui. C'est vraiment le plus grand mépris qu'on puisse lui témoigner. Féroce, mais subtil, L'intelligence de Marguerite Duras est aiguisée comme un sabre japonais. Elle tranche sans effusion, froide et précise. Un dossier dangereux entre nos mains ce matin, et nous n'aurons sans doute jamais trop de nos 53 minutes pour essayer d'établir ensemble un authentique diagnostic afin de savoir si oui ou non les méandres névrotiques de notre patiente réellement atypique recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais pour te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte sévèrement le son puisque c'est la panique au ministère psychique. Alors amorçons ensemble l'étude de notre fleur de Saïgon par le tube de cette horticultrice de renom. C'est la divine Kim Wilde en 1982. Une chanson au goût du jour, car demain, c'est la fête des Khmers. Il n'y a pas de phénomène cathartique dans ces romans de Duras, du moins avant La dernière manière, qui est beaucoup plus mass-média et plus érotique, mais dans les précédentes, comme L'Olvestein ou d'autres, on a le sentiment que le but n'est pas de traverser la douleur, mais d'établir une sorte de connivence avec elle. Avant tout, le ministère psychique remercie avec ardeur le professeur Julia Kristeva, écrivain et psychiatre, pour son introduction, tout en douceur et en douleur, au cas clinique qui nous intéresse aujourd'hui, car nous recevons Marguerite Duras. Marguerite Donadieu est née le 4 avril 1914 près de Saïgon, en Indochine, alors colonie française. Cet environnement est évidemment une des clés de l'œuvre de Marguerite qui devient Duras quand elle se fait écrivain. Le barrage contre le Pacifique, c'est celui de sa mère, veuve, qui lutte pour sauver sa concession en Asie. L'Éden cinéma est indochinois, tandis que l'amant, lui, est chinois. Mais bon, c'est aussi en Indochine que la jeune Marguerite le rencontre. Je suis toujours excitée. Allez donc vous remettre au lit. J'aime mieux être avec vous. Commencez par grandir un peu. Vous croyez que si je grandis, je serai mieux proportionnée? Quel âge me donnez-vous d'abord? J'en sais rien, mais je suis sûre d'avoir des cravates qui ont été faites avant vous. Il y a pourtant des gens qui savent que les filles sont femmes plus tôt de nos jours. C'est le travail de la nature. Oui, ben comme la nature fera pas mon travail, alors soyez bien gentilles et allez vous rhabiller. Ah ben oui. Sans avoir connu les atermoiements sentimentaux de l'adolescence, Marguerite n'aurait peut-être pas eu autant de talent. Elle quitte l'Indochine, le bac en poche, et s'installe à Paris en 1934. Bon, quand la guerre éclate, la position choisie par Marguerite Duras n'est pas très éclatante, mais elle se rattrape, la coquine, et rejoint les réseaux de la résistance en compagnie de son mari, Robert Anthelme, avec qui elle s'installe rue Saint-Benoît. Et le résistant Jacques-Francis Roland s'en souvient très bien. Vous avez milité aussi dans la même cellule que celle de Marguerite Duras à Saint-Germain-des-Prés. C'était un des aspects, un des premiers aspects de la rue Saint-Benoît. Comme c'était un appartement assez grand, plus vaste que la plupart des appartements des militants, il servait à beaucoup de choses. On entreposait les journaux chez Marguerite et chez Dionis. Marguerite était une bonne militante. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Avec son côté très actif, remuant, et un jour elle m'a dit très fièrement, tiens. Tous les gars du village étaient là, là, là, là, là, là, là, étaient là, là, là. C'était drôle d'ailleurs. C'était drôle, après la drôle de guerre, de voir Marguerite Duras découvrir le milieu fermé des intellectuels résistants parisiens. C'est là d'ailleurs qu'elle fit la connaissance de François Mitterrand, alias Morlan, à l'époque total in love, de la jeune Marie-Louise Terrasse, alias Catherine Langer. Et de cette période, Marguerite et François ont conservé des liens forts d'une amitié d'anciens combattants. François, je n'ai jamais su où vous dormiez, où vous habitiez. Ah, ça. Ben, j'ai habité quand même chez Marie-Louise, à un moment. Vous avez couché, là, quelquefois. Ah, oui, oui, oui, oui. Ici, jamais. Non, jamais. Ben, jamais. Je suis venu souvent deux jours. Oui. Il faut dire aussi que c'était plein. Hein? Il faut dire que sans vouloir, en quoi que ce soit, nuire à la réputation de Marguerite, il y avait beaucoup de jeunes gens qui venaient la voir. Je ne sais pas comment elle est, je ne sais pas du tout comment elle les recevait. Mais elle suscitait l'intérêt. Alors, c'est susciter l'intérêt d'une discrétion, c'est pas mal. C'est d'une discrétion rare, hein. Bon, donc c'était très plein ici. Eh oui, la vie de Marguerite Duras fut pleine de rencontres, d'aventures littéraires et humaines qui ont enrichi ses romans, ses pièces de théâtre et ses films. Installée à Neuf-le-Château, dans les Yvelines, Marguerite Duras alimente sa création de quelques litres d'alcool et d'une solitude choisie mais pesante. Jusqu'à ce que débarque un étrange personnage, Yann Lemay, un jeune admirateur que Marguerite renomme Yann Andrea et qu'elle prend pour compagnon de vie, un garçon sauvage. C'est un sauvage, Yann. Il est très poli, très gentil. Adorable, mais c'est un sauvage. À partir des lettres, des billets qu'il m'envoyait, je suis sortie d'une solitude qui durait depuis 14 ans. Mais c'est vrai que je ne pouvais plus supporter du tout de vivre simplement avec quelqu'un. J'ai un mauvais caractère, moi. C'est pas grave d'avoir un mauvais caractère. Mais je l'ai. Donc il vaut mieux que je sois seule. Il valait mieux à ce moment-là. J'en ai marre d'un coup. Les scènes que... Vous savez, les mecs, ils sont jaloux des livres qu'on fait. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur. Marguerite Duras a sans doute donné son cœur à Yann Andrea, mais lui a offert plus encore, quelques moments de vie incroyables. Nous étions alors au début des années 80 où tout semblait possible. D'ailleurs, en 1984, Marguerite Duras reçoit avec l'amant le prix Goncourt. Eh oui, c'était ça les 80s, le renversement des valeurs, mais pas toujours dans le sens le plus attendu. Le prix Goncourt, la plus célèbre des distinctions littéraires, est généralement attribué à un jeune auteur de talent promis à un bel avenir. Et puisqu'il y a toujours une exception qui confirme la règle, le prix Goncourt 1984 a été décerné à Marguerite Duras, dont le talent certes est indiscutable, mais qui a déjà derrière elle 35 années d'écriture. À l'âge de 70 ans, Marguerite Duras est ainsi récompensée pour son roman « L'amant », publié aux éditions de Minuit. Au bout du fil, interrogée par François Gonnet, Marguerite Duras, avec un brin de malice et quelques éclats de rire, présente son style qui, comme elle, a évolué au fil des ans. Il y a un style que je ne retrouve pas ailleurs dans mes autres livres. C'est un style qui pourrait être difficile, mais qui ne met jamais mal à l'aise le lecteur, je crois. Et le Goncourt, vous l'attendiez ? Non, c'est fou. Il n'y avait aucune raison pour qu'il me le donne aujourd'hui, comme il n'y avait aucune raison pour qu'il me le donne pas avant. Vous voyez ? Ben, vous l'avez, vous êtes quand même contente. Mais c'est mieux. Mais c'est quand même pas la joie, apparemment, là. Oh, ben écoutez, je ris, vraiment, non. Et Marguerite rit d'avoir le Goncourt. Mais pour ses intimes, pour Yann Andrea notamment, ce n'est pas le même délire, puisque Marguerite, alcoolique, sombre peu à peu et devient irascible. Elle boit souvent rouge, avec à sa bouche, Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. Quand son cœur s'enflamme, elle joue toute la gamme. Au maquis, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie, Maggie, Maggie. Voilà Maggie. Maggie Duras. C'est elle qu'on aime avec tous ses excès. Elle est partie le 3 mars 1996, quelques semaines après son poteau François Mitterrand. Une étrange amitié née pendant la guerre et qui s'alimente sans doute d'une même approche de la vie, faite de hauteur et d'un sourire en coin. Alors, comme à chaque fois, après une enquête pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que le comportement de Madame Duras représente un danger pour notre société. Et, pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Professeur Colin, nous effeuillons ce matin la Marguerite, Marguerite Duras... Un bien étrange dossier pour un cas Duras saisir. Complexe, évidemment complexe, le cas Duras, Marguerite Duras. Parce que c'est arrivé cette année-là, très vite, cette année-là. L'Académie française n'avait pas voulu d'elle. Elle, Marguerite Duras, c'était en 1980. Alors, professeur Colin, pourquoi Marguerite ne porta-t-elle pas l'habit vert ? Eh bien, simplement parce qu'elle ne fut pas jugée convenable. Mais en ne l'acceptant pas sous la coupole, les académiciens lui ont offert une magnifique distinction, celle de ne pas être convenable, sans doute parce qu'il n'y a rien de pire que d'être quelqu'un comme il faut. Pourtant, cette année-là, en 1980, une petite touche jaune et blanche a fait son apparition au milieu de l'habit vert du jardin académique, avec une autre Marguerite qui fut, elle, jugée convenable, Marguerite Yourcenar. Et c'est sans doute aussi parce qu'il paraissait convenable, avec son affiche électorale matinée rurale ornée d'un petit clocher, que François Mitterrand, ami de Marguerite Duras, est devenu en 1981 protecteur de l'Académie française en tant que président de la République. Ah, Duras à l'Académie, c'eût été sublime pour les immortels, avec habit vert à col roulé, alcool à volonté et érotisme indochinois. C'eût été une régalade dans la déconne avec pléthore de jeux de mots tordants, l'amante anglaise, fallait oser. Et bien sûr, après Pluie d'été publiée en 1990, elle nous aurait pondu L'été à la menthe. Oui, Duras, c'est la déconne de tous les instants dans une littérature accessible offerte au plus grand nombre. Car Marguerite puise son inspiration dans la culture populaire. Il n'est qu'à regarder le titre de ses œuvres pour comprendre leur succès. La maladie de la mort, publié en 1982 aux éditions de Minuit, est bien entendu un écho à la maladie d'amour de Michel Sardou. De même, ce n'est sans doute pas un hasard si Marguerite Duras publie en 1987 un roman intitulé « Les yeux verts », alors que la France entière fredonne « Les yeux revolvers » de Marc Lavoine. Ah, Duras, Duras, c'est la littérature mise en image aussi, avec Barrage contre le Pacifique ou encore Hiroshima, mon amour. Mais cet absolu de la littérature filmée est atteint en 1982, quand Marguerite réalise L'homme atlantique. Tout le monde se souvient de ces photogrammes noirs où Patrick Dufy, arraché des bras de Tétis, transperce l'océan tel un dauphin. Les mains palmées, c'était énorme, l'homme de l'Atlantide. Professeur Colin, voilà ce qui n'a sans doute jamais plu à l'Académie, que la Marguerite fasse un effeuillage très peu convenable de la culture populaire. Excellent, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la dangerosité de notre patiente. Une femme libre qui, en plus, a eu le courage de signer le manifeste des 343 salopes. Mais le ministère psychique traque la vérité. La sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera à trifouiller les déviances comportementales de notre patiente, si sûre d'elle d'apparence, mais qui parfois panique. Elle panique à l'idée d'en faire trop, de vieillir prématurément. Elle panique à l'idée d'être de trop ou de s'ennuyer un instant. Elle a peur que tu t'en ailles, peur de tes représailles. Elle a peur pour son petit frère, elle a peur, peur pour son derrière. T'aurais à grands coups de pioche si tu ne laisses pas tomber. Olivia Ruiz. Quant à Marguerite Duras, eh bien, elle aussi. Elle panique au ministère psychique. Trifouiller la face cachée de la patiente, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez la patiente. Alors maintenant, après avoir romancé les grandes étapes existentielles qui ont inventé la structure mentale de notre patiente à l'opposé des plumitifs, il est temps, me semble-t-il, d'essayer d'analyser son style littéraire si particulier pour y déceler peut-être quelques aspérités psychiques vigoureusement enfouies chez Marguerite Duras. Avant tout, souviens-toi, en 1984, la France entière se précipite chez son libraire pour se procurer l'amant auréolé du prix Goncourt. C'est un succès phénoménal. 2 400 000 exemplaires vendus Et à l'époque, que découvres-tu sous la plume de Marguerite Duras? Un livre, forcément un livre. L'amant, tu le regardes. Tu te demandes qui il est, le livre. Il est blanc, forcément blanc. Il est le livre que tu achètes ce jour-là pour moins de 100 francs. Eh oui, tu découvres un style que le spécialiste mondial de la maïeutique, le professeur Bernard Pivot, tente de décrypter en apostrophant directement notre patiente. Alors tous les critiques se disent, mais Fichtre, comment c'est fait ce style? Alors là... Vous savez, je crois que c'est parce que je ne m'en occupe pas. Comment vous en occupez pas? Du style, je ne m'en occupe pas, là, dans le livre. Je crois que j'ai peut-être ma première phrase. Alors au travail. Je dis les choses comme elles arrivent sur moi. C'est, je fais le geste, oui, c'est ça. Oui. Comme elle m'attaque, si vous voulez, comme elle m'aveugle. Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord, vous voyez. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. Mais que moi, je m'en occupe infiniment moins que des mots. Elle a la chance d'avoir deux vies. Celle qu'elle vit tous les jours et celle du roman qu'elle est en train d'écrire. C'est un grand privilège. Certes, cette double vie enivrante, propre aux écrivains, conduit néanmoins Marguerite Duras vers de redoutables troubles schizophréniques. À tel point d'ailleurs qu'on ne sait plus distinguer le réel de la fiction, notamment dans L'amant, justement. Cela dit, on s'en fout. Car il n'y a vraiment que les tristes héritiers du critique littéraire Sainte-Beuve pour essayer d'expliquer un roman uniquement à l'aune de l'existence de son auteur. Méthode simpliste que Marcel Proust, déjà, défonça non sans plaisir. Car franchement, ne serait-il pas indigent et réducteur de considérer l'amant simplement comme un simple miroir de la jeunesse indochinoise de Marguerite Duras? Excusez-moi, c'est tellement inattendu. Dans un bus indigène, une jeune blanche. Oh, ce n'est pas le moment, hein. Mon mari vient de me surprendre chez mon amant. Eh bien, je ne partage pas votre avis, madame. Je trouve au contraire que c'est le meilleur moment. Il a arraché la robe. Il a arraché le petit slip de coton blanc. Et il l'a porté, ainsi, nu jusqu'au lit. Ça vous plaît? Oh, c'est formidable. Elle ne le regarde pas au visage. Elle le touche. Elle touche la douceur du sexe. Excusez-moi, je me suis trompé de chambre. Évidemment, tant par le style que par l'intrigue, L'amant va bien au-delà d'une simple autobiographie. C'est une œuvre complexe, où il ne faut pas seulement y voir l'histoire d'une jeune fille paumée au cœur de soucis familiaux et qui trouve refuge dans les bras d'un riche amant chinois. Non. Car c'est aussi et surtout un récit initiatique, à vocation universelle, où l'héroïne doit franchir des obstacles et dépasser des interdits dans l'espoir de diriger seule sa vie. L'amant, c'est une quête de soi, c'est une expérience de liberté. De la même manière, il est impossible de réduire Hiroshima, mon amour, à un devoir de mémoire. Ce film, écrit par Marguerite Duras et réalisé par Alain René, soulève essentiellement l'impossibilité de se représenter l'horreur de ce que fut cet effroyable épisode atomique. Cela dit, là encore, le style durassien souleva quelques polémiques. Hiroshima, mon amour, quel étrange cri, disait Marguerite Yourcenar à propos de ce titre de Marguerite Duras. Pourquoi tu es à Hiroshima? À Hiroshima? Un film. Quoi? Un film? Je joue dans un film. Oui, non, c'est un titre de... Non, il y a eu un film, mais le... ça a d'abord été un bouquin de Duras. Qu'est-ce que c'est le film dans lequel tu joues? C'est un film sur la paix. Qu'est-ce que tu veux qu'on tourne à Hiroshima sinon un film sur la paix? Mais c'est vrai, elle a raison, Yourcenar. Quel étrange cri! Les reconstitutions ont été faites le plus sérieusement possible. L'illusion, c'est bien simple, est tellement parfaite que les touristes pleurent. Hiroshima, mon amour, pourquoi pas Auschwitz, mon loulou? C'est sans doute ça. L'art du contre-pied, le tout teinté d'absurdité, dans l'espoir chez Duras, comme chez des proches, de souligner l'indicible dont sont parfois capables les travers obscurs de l'humanité. Ce procédé stylistique consiste à exposer dans un premier temps une idée ou un événement que tout le monde appréhende facilement, le sentiment de l'amour par exemple, puis de lui coller immédiatement après une bonne dose d'ironie, de cynisme ou de lucidité pour provoquer en nous un certain sentiment d'effroi afin de nous faire prendre conscience que les frontières du bien et du mal ne sont jamais clairement définies. C'est la force littéraire de Marguerite Duras, tout aussi bien dans ses romans que dans ses films. Marguerite Duras qui n'a pas écrit que des conneries. Elle en a aussi filmé. Alors vous disiez que c'était un camion. Elle dit au chauffeur, vous êtes du Parti communiste français. Il lui dit, ça ne vous regarde pas. C'est ça. Elle lui dit, vous savez, Karl Marx, c'est fini. Il la regarde. Oui. Que pense-t-il ? Que dit-il ? Il dit, j'ai compris, vous êtes une réactionnaire. Que répond-elle ? Rien. Elle rit. Vous allez dire que je n'y connais rien, mais moi je regrette un peu les films d'avant. J'aimais bien les acteurs comme Gabin, Blier, Ventura. Ils avaient de la présence, hein. En gros, elle vous fait être mort. Oui, on s'est beaucoup moqué de la filmographie de Marguerite Duras. Alors certes, on ne peut pas vraiment dire qu'elle marquera de son empreinte l'histoire du cinéma, mais il n'en demeure pas moins qu'on y retrouve dans les dialogues, notamment, ce style acéré, concis et sans concession. Et à ce propos, nous allons découvrir dès à présent, par le truchement d'une enquête pointue produite par l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, d'où vient précisément cette pugnacité littéraire chez Marguerite Duras. Alors, cher professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble cette curieuse digression afin de mieux appréhender les origines de cet esprit belliqueux sous la plume de notre patiente. L'interne, pointez-vous au labo ! Allez, hop ! Démonstration ! The radio. Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Tchin-tchao, petit scarabée. Professeur, pardon. La secouée du jour serait donc la femme de lettres sur papier et sur pellicule, Marguerite Duras. Eh bien, sachez que pour ce dossier, dont Marguerite a écrit quasi toutes les lignes, je n'ai pas pu lutter très longtemps. Car c'est dès son adolescence que la pathologie de Marguerite, pas farouche pour deux dongues, s'est révélée. Pour mieux vous connaître, Marguerite Duras, quels souvenirs vous gardez de votre enfance, de l'Indochine ? Mes parents étaient pauvres et nous avons surtout vécu avec des Vietnamiens. Jusqu'à 17 ans, je parlais indifféremment le français et le vietnamien. Enfin, c'est aussi une expérience très, très riche. Une expérience très riche, en effet, qui permit à Marguerite d'apprendre la vie selon deux cultures différentes. Et si Marguerite fut pensionnaire dès l'âge de 16 ans, au lycée français Chasseloup-Lauba, pour y apprendre la philo, c'est seule, dans les rues de Saïgon, qu'elle découvrit une toute autre doctrine. Car à cette époque, Marguerite pratiqua en effet la boxe chinoise, un art révélateur qui l'a aidée sans doute plus tard pour s'imposer en tant que femme et se battre pour l'égalité. Oui, le kung-fu fut pour Marguerite un sport symptomatique de bien des choses. Petite, est-ce que je peux récupérer ma poire ? Cette poire ? Oui, cette poire, elle m'appartient. À chaque fois que tu tapes là-dedans, tu fais perdre de la clientèle. Ça, je dois dire que même moi, je suis pas très très fière. Oui, c'est pour ça. C'est délicat de prêter ça. Oh, oui, je comprends, c'est gênant. Je crois qu'on peut te dire les choses. Tu as l'air d'une bonne fille, je peux te donner un conseil. En fait, j'attends que ça. Tu vas trouver un manager, c'est sûr, ou bien ici, ou bien dans une autre salle. Il y a des combats de filles partout. C'est des conneries, mais ça fait fureur aujourd'hui. Et sur les conseils de son entraîneur, Marguerite continua en effet à taper la poire et frapper dans le sac pour égaler les autochtones et les surprendre par son talent. Est-il vrai que vous êtes de l'école de Héron du Sud ? Canard du Sud, je ne fréquente pas ce genre de volatiles. Tous vos surnoms ridicules, ce n'est que du vent. Et toi, qui es-tu ? Moi, je suis Phénix rayonnant à l'épée qui flamboie. Je hais ce nom. Il me donne envie de vomir, il me dégoûte. Dommage pour toi. Moi, je suis l'invincible déesse. Comme la foudre, je frappe et je disparais. En 1934, Marguerite quitta en effet l'Indochine sans jamais y revenir, en s'entêtant toutefois, dès son retour en France, d'apprendre l'art du kung-fu à ses amants. Mais plus le temps passa, plus Marguerite tapa dans la poire, et avec son dernier élève, Yann Andrea, Marguerite tomba de caries dans Scylla. J'ai une compétition de karaté dans une heure, mon kimono est prêt ? Oh bon, excuse-moi. Ça va, t'as pensé à mon kimono ? Quoi ? Mon kimono, il est propre ou sale ? Quoi ? Mon kimono ! Elle est sale ! Mais comment je vais me faire ? J'ai une compète dans une heure ! Attends, je vais m'empirer express. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne joyeusement déjanté du ministère psychique pour cette étrange divagation à la David Carradine qui nous révèle ce matin que Marguerite fut à la fois l'ancêtre de Kung Fu Panda en col roulé et de Kill Bill en triple foyer. Par ailleurs, et pour finir avec ce style littéraire durassien, notons tout de même que Yann Andrea fut assurément son dernier compagnon de lutte, mais il fut aussi son porte-plume, comme d'autres sont des porte-flingues. Yann Andrea, elle vous a dicté des livres, c'est-à-dire qu'il y a des livres que vous avez écrits. Oui, L'Amant, L'Amant, par exemple. L'Amant, oui, le grand succès de oui. Le succès international, c'est vous planétaire, qui l'avez tapé. Comme elle disait. C'est vous qui l'avez tapé à la machine. Elle me le dictait. Et alors, comment ça se passait à ce moment-là, c'est-à-dire que... Ah, ça, c'est très beau. Ça, c'est ce qu'on a perdu, justement, c'est la voix. L'émotion, quand elle... Parce qu'elle faisait séance tenante, elle n'avait évidemment aucun plan, rien du tout. C'est quelqu'un qui était à la fois complètement dans la vie, très drôle, jamais tant ri qu'avec elle, et en même temps insupportable, évidemment, mais comme beaucoup de gens. Mais sauf que c'était toujours un degré, une intensité très forte, nuit et jour. Donc ça prenait des proportions énormes. Oh Marguerite, que tu m'irrites. Ou bien que tu m'excites, toujours tu mérites. Oui, Marguerite, le rite que je te voue, le rite que je t'avoue, sans le moindre tabou. Bien, après avoir découvert à l'instant que Yann Andrea fut le précurseur humanoïde des logiciels de traitement de texte au service de Marguerite Duras, il est temps dès à présent d'entamer l'ultime partie de notre analyse afin de pointer les autres ricochets sur le contemporain de la psyché de notre patiente dans notre société de plus en plus dure à se cuire. Et avant tout, comme d'habitude, c'est une tradition ministérielle, amorçons notre étude pseudo-psychanalytique par une efficiente approche jungienne. Ainsi, le spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le frappadingue docteur Yvan Beaujolais, a tenté ces derniers jours d'expertiser les implications de notre chroniqueuse romanesque au cœur de notre histoire récente. Alors, cher professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons attentivement cette fable étrange que nous avons intitulée ce matin « Dans l'eau de Vologne » et dans laquelle nous allons constater qu'une romancière, aussi brillante fut-elle, n'a pas forcément le flair d'un inspecteur Colombo et parfois même, l'écrivain n'est pas à l'abri de se prendre les panards dans le tapis. L'expert jungien, pointez-vous au labo ! Analyse ! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Qu'est-ce que tu bois ? Un petit Grégory. Et toi, un nouveau ? Un jus d'orange. Un jus d'orange, non, tu bois un petit Grégory comme tout le monde. Allez. Tiens, petit Grégory ! Très souvent, non. L'image de l'enfant m'empêchait d'écrire. J'en suis ému encore. Comme si on ne pouvait pas y toucher, au cadavre de l'enfant. Je suis votre plus fervente admiratrice. Ça me prenait certains soirs. J'essayais d'imaginer ce qui pouvait se passer dans la chambre du plus grand écrivain du monde. L'enquête des policiers sur l'horrible assassinat du petit Grégory fait quelques progrès, mais le mystère demeure. Un village en colère, un village qui parle de se faire justice lui-même. Un crime d'ordre exceptionnel, rarissime. Il avait 4 ans, l'enfant. À l'éponge, l'étau se resserre autour d'un criminel monstrueux, tellement assoiffé de vengeance qu'il a exécuté sans pitié un petit garçon plein de vie. Qu'est-ce que c'est ? Un petit Grégory ? Ouais. Une bombe. Une vraie bombe. En juillet 85, dans un article retentissant paru dans Libération, Marguerite Duras rend compte et raconte le crime, la maison, l'épange et la mère, sublime, forcément sublime, Christine V. Non, rien. Au nom de quoi je me permettrais de critiquer quelqu'un comme vous? Non, quand je vous ai parlé là tout à l'heure, oui, c'était encore très tremblant chez moi. C'est quand même une responsabilité énorme d'écrire là-dessus. Avec le recul, quand on lit ce papier, quand on relit certaines phrases et tout, c'est du délire. Une larme de Jules. Une rivière de tonique. Et ensuite, la petite victime. Même si on s'appelle Duras, le fait qu'on ait sa signature au bas d'un article, même si on est un écrivain, on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un comme elle l'a fait. C'est brillamment écrit, c'est vrai. Mais bon, tout ce que vous écrivez est brillamment écrit. Chaque phrase que je disais sur la probable culpabilité, la peut-être culpabilité de Christine Villemain, aurait dû commencer par « si nous sommes dans le cas d'avoir affaire à une criminelle ». Voilà. Et alors là, j'ai été traité dans la boue et tout le monde entier a lu l'article parce qu'il était de Duras. La petite victime, composée d'une petite olive, d'un petit morceau de sucre et d'un petit bout de ficelle. Et nous avons le petit Grégory. Eh oui. Malgré la puissance littéraire de son article dans le quotidien Libération, cette regrettable erreur de jugement dans cette sombre affaire du petit Grégory coûta très cher à Marguerite Duras, surtout en termes d'image. Vois-tu, en 1985, elle venait d'être couronnée du prix Goncourt. C'était la reconnaissance internationale. Et Duras est alors devenu l'un des écrivains vivants les plus lus au monde. Mais voilà que Pierre Desproges, par exemple, encore lui, vit en elle désormais l'apologiste sénile des infanticides ruraux. L'hilarité était à son comble, la douche fut glacée et sa conviction intime de la culpabilité de Christine Villemain, qui sera innocentée, a soulevé contre Duras une hostilité féroce, soutenue bien sûr par une jalousie fielleuse due à sa proximité amicale avec François Mitterrand, devenu depuis peu président de la République. Alors, bien entendu, les attaques furent violentes et mesquines, et notamment, elle fut traitée de vieille alcoolique complètement déglingot des neurones, puisqu'en effet, Duras ne l'a jamais cachée, bien au contraire, elle picolait sévère jusqu'à en devenir totalement prisonnière. Ce qui, malheureusement, entache comme un gros rouge encore aujourd'hui la postérité de Marguerite, dont les détracteurs s'amusent régulièrement à la réduire à ça. Alors l'appellation des côtes du Duras se situe au nord du Lot-et-Garonne. Elle est blottie entre le vignoble de Bordeaux d'une part et le vignoble de Bergerac. Elle est un prolongement naturel de la Guyenne, qui est une région viticole traditionnelle qui part de l'entre-deux-mers qui va en réalité jusqu'à Cahors. À l'origine, notre appellation des côtes du Duras était une appellation de vin blanc moelleux à base de cépage de sémillon que nous avons petit à petit abandonné pour des raisons de goût de la consommation, de la clientèle, qui, au fil des années, s'est détournée vers les vins blancs secs. Alors on ne sait pas trop exactement pourquoi. En fait, c'était une évolution de la consommation de l'époque. Pour Marguerite Duras, sa consommation de l'époque fut telle qu'à plusieurs reprises, elle sombra dans des comas éthyliques et à partir des années 80, maman fut même hospitalisée plusieurs fois pour des cures de désintoxication. Mais plutôt que de discourir ici sur son alcoolisme, écoutons plutôt notre patiente elle-même parler de sa propension pour l'alcool avec un autre spécialiste des brèves de comptoir. Comment avez-vous commencé à boire ? À cause d'un homme. Qui buvait lui-même ? D'un amant. Oui ? Si t'es enseveli sous une avalanche, faut surtout pas bouger. Les gars qui te cherchent, ils vont pas creuser dans 50 endroits différents. Faut pas pousser. C'est curieux, mais il me semble que c'est ma mère, à l'origine de tout, qui m'a dit « Tu es trop maigre, on peut pas être maigre comme ça. Tu vas commencer à boire un peu de bière. » Parce que chez nous, dans le Nord, quand on est maigre, on boit de la bière. L'alcool aide à dire des conneries. Et non, qu'est-ce que tu crois ? On se tairait. Tout est comme si Dieu existait. C'est Dieu, l'alcool. Les globules rouges transportent l'oxygène, les globules blancs défendent l'organisme, mais les globules rosés, je ne sais pas. Le monde est vide et voilà. Tout à coup, il y a Dieu. Et le monde est bon et resplendissant. Les cèpes, il faut les cueillir petits. Si tu attends trop, on les a cueillis avant toi. Logique. Dans un bain d'alcool, j'ai écrit La maladie de la mort. Mais c'est un livre très très grave pour moi, La maladie de la mort. Je l'ai fait avec 6 litres de vin par jour. Quand on arrive à ces doses-là, on ne mange plus. On devient dégoûtant, ça, physiquement. Quand tu rêves d'un saucisson, c'est sexuel, mais pas le pâté, non? Pas le pâté. Le ravissement de l'Olvestein, je l'ai fait sans alcool. Moderato avec l'alcool. La maladie de l'amant, donc, et l'amant sans alcool. Et la bite, c'est possible. Mais tu peux pas frimer avec les couilles, non? Personne ne peut remplacer Dieu. Rien ne peut remplacer l'alcool. Donc, Dieu reste irremplacé. C'est avec le nerf optique qu'on voit. L'œil, c'est juste pour regarder. C'est quand même quoi. Bon, après ces étranges sentences définitives, accoudées au comptoir, bien sûr, pour en finir maintenant avec les résurgences contemporaines de notre vaporeuse patiente, revenons immédiatement au sein de notre ministère, où l'un de nos pensionnaires à vie, toujours le même, et trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre à son tour ce matin ses divagations schizophréniques durassiennes. Alors, comme d'habitude, c'est complètement absurde, et sans aucun doute un brin néo-romanesque, mais bon, c'est la tradition. Les malades ont la parole. Ouais, je t'aime bien, Marguerite Duras. Heureusement que t'es pas russe. Tu te serais appelée Marguerite Duras, Poutine. Sacrée Marguerite, assieds-toi et arrête de me regarder comme un crapaud avec tes grosses lunettes. C'est pas parce que tu as fait ton film Le Camion qu'il faut rouler des mécaniques. Tu veux boire un coup? Non, tu bois trop. Après, tu perds la raison. Tu passes des journées entières dans les arbres. Tu te prends pour un castor à faire des barrages contre le Pacifique. Peine perdue. Ah Marguerite, tu causes comme mon boucher. Tu me dis toujours, bonjour, comment va-t-il ce matin? Que prendra-t-il? Du bœuf ou bien du veau? Il y en a un peu plus, il lui met quand même. Tu vois, tu fais des émules du pape, du Duras. Sacrée Marguerite. Et on est pareil, hein, tous les deux. Toi, t'as eu un amant chinois et moi, j'ai eu une amante religieuse. Et quand je lui parlais au téléphone, je lui disais à mon amante, allô. Je suis trop con. Dessous le Bengale. Cette poussière là-bas. Calcutta centrale. Cette rumeur. Le Gange. Où est-on? L'ambassade de France aux Indes. Il y a comme une odeur de fleurs. La lèpre. Cette couleur verte, elle grandit. L'océan Indien. Ces joncs. Le riz. Elles vont vers le Coromandel. Sur les talus, ces taches sombres. Les gens. La densité la plus élevée du monde. Ces miroirs noirs. La rizière indienne. Ces lueurs là-bas. on brûle les morts de la faim. Oui, le jour vient. Cet amour. L'amour. On danse à l'autre bout du hall. Des touristes de salon. Qu'elle est blanche. Qu'elles sont blanches les femmes de Calcutta. Que dans 6 mois ne sortent qu'avec le soir. Fuit le soleil. Morte là-bas. Aux îles. Trouvée morte. Une nuit. Ce mot, désir, celle qui vient dans cette odeur de fleurs, une mendiante, folle, c'est ça, elle vient de Birmanie, maigre, la faim. À Calcutta, elles étaient ensemble, oui, c'était pendant les mêmes années. C'est celle que chantaient en chœur Jeanne Moreau et Marguerite Duras en 1975. Délirante rumba. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques, et le ministère psychique reste un peu estomaqué par la personnalité de Madame Duras à la psychologie complexe qui a bien sûr sa place toute trouvée dans notre ministère psychique. Mais pourtant, il arrive un moment où il faut savoir se quitter, Marguerite. Eh, ma pauvre Marguerite, il va falloir se quitter. J'aurais aimé te garder, mais ça me fait de la peine. Mais d'un côté, il vaut mieux parce que ici, tu es chez toi. T'as tes habitudes. Eh oui, de toute façon, j'aurais pas pu te garder parce que j'habite un 4e sans ascenseur. Hein? Tu me comprends, dis? Tu m'aurais pas dit. Hein? Marguerite. Adieu, Marguerite. Adieu, ma vieille copine. Adieu, ma vieille copine. C'est vache, mais c'est la vie. Le ministère psychique décide donc de libérer Madame Duras au caractère acariâtre mais opiniâtre pour son génie littéraire. Comme ça, demain, elle pourra se rendre au théâtre du Châtelet à Paname pour vivre le festival Paris en toutes lettres. Allez, hop! Dehors, Margot! Vous nous avez durassasiés! Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère, mais qu'en sera-t-il la prochaine fois? Voilà, c'est la fin de la 40e consultation déjantée du ministère psychique consacrée ce matin à l'artiste au sourire ronchon, Marguerite Duras. Xavier Mauduit, notre co-auteur, et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique, le maestro Marco Mutel aux manettes. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Jean-Noël Vélan, merci, c'était parfait. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Yvan Beaujolais et Claire-Sophie Collet pour la préparation de l'émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale, Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, Julien Dugast, notre voix off, et Lina Laume, notre nouvelle stagiaire, sans oublier bien sûr les formidables documentalistes de Lina. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin, chers amis, que la semaine prochaine, nous ne serons pas sages, car nous ferons sade. En attendant, nous nous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer pour La Prochaine Fois, Je Vous Le Chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?